Welcome to the world, bienvenue au monde du foot. Le foot, c'est un monde bien à part, un monde fait de joie et de microphones, de feux d'artifice, de tergiversations, de déblatérances et surtout d'unapproved, unglorious, whoring of sorts. Don't give up the twisted mingling. And you've got to know what I'm saying, you know? Alors, quand on a abordé ce sujet-là, qui lasse, on peut se demander si la lassitude même, que ce que je dis c'est vrai, n'est pas la source même de la déblatérance. Bienvenue sur Nuisance. Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Ce soir, pour commencer, de la grande et belle. Oui, de la grande et belle. Musique. En compagnie d'artistes et créateurs créatifs ou artistiques. Tout cela encadré, évidemment, non mielleusement, par une inaptitude à expliquer l'effet escompté, par une attitude même que ce que je dirais, ce serait vrai si j'avais dit l'adjectivisation comprise entre 0 et 100, à ne pas confondre avec les annihilations de multiples délayés et fermentés Excalibur. Sur un point donné, un instant T, on peut décider de ce que l'on va écouter. Mais ce soir, on n'écoute pas grand-chose. Parce qu'on n'en a rien à faire d'écouter. Au final, nous, ce qu'on veut, c'est du temps. Plein de temps. De temps pour fermenter, justement. En parlant de fermenter, la rébellion, toujours belliqueuse, l'on peut se le demander, pourquoi donc les zéros, par un temps si clair, si la clarté était vraie, l'on pourrait presque se dire qu'elle nous aveugle. Oui, messieurs, dames, en avant les ratures, tout ça sans cruauté, ni crudité, ni vulgaire vulgarité. Nous ne tergiverserons pas dans cette émission pour ne pas dire ce que nous pensons ou ne pas penser. Peut-être est la chose à ne pas dire. Et tout cela de travers en escomptant donc ne pas dépasser, les 32 secondes de latence entre l'espace libre et mort et l'espace vivant mais enfermé. Je n'ai absolument rien dit pour l'instant. Je vais aborder la question apolitique de l'artistique pendant un temps obscur, obscurantiste en tout cas, selon d'autres, et certainement que ce que l'on dit, l'on n'a pas de nom, n'est-ce pas, ne pourrait prêter à confusion par les temps qui courent. Alors un conte, chers amis et amis eux. Le conte escompté. Le conte escompté en direction de la traversitude. Et pourquoi donc se demander si la phrase ne finit pas? Elle n'a jamais commencé. Le dire ne revient qu'à répéter, encore une fois, le médium. Dans ce cas, la répétition n'est-elle pas un phénomène à exploiter, oui, à exploiter, à surexploiter, plutôt, que de faire chier les voisins? Allez, de la grande et belle musique pour vous ce soir, à la place du foot peut-être, pour certains et d'autres. mais l'arrêt idéal. Ah ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est pour ça que t'as pas compris pourquoi je voulais pas faire. Parce qu'en fait, tu sais, je viens de finir le tour. Ah, t'habitais quoi? C'est là-bas? Ouais, il habite juste derrière, je suis aussi. Ah, d'accord. Ah, t'es au boulot, je comprends. Ouais, du coup, j'ai fini, quoi. Je vais passer devant, et puis après, on va aller rentrer. Je pensais buter par le balcon, mais je me suis dit non. Ouais, ça peut faire un god anal, tu vois. as I was saying, the factual evidence is with us. The evidence is with us. La cigogne a quitté le nid. La cigogne a quitté le nid. Vous savez que... Je te jure. C'est pas comme s'il y avait un truc. Un truc dans le son. Il y a un truc dans le son. Ça me va pas. Il y a un truc dans le son, ça me va pas. Et à ce moment-là, précisément, le gars pète les plombs. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il parle, celui-là? Mieux de se taire. Et à chaque fois. Et pourtant, entre toutes ces valeurs, entre tous ces thèmes, désastrement disposés en apocalypse, le gars me dit merde. Et c'était ça l'erreur. Elle était sale que l'erreur là, celle-là, je veux dire, qui était rare. C'était rare. C'était une erreur rare, tu sais. C'est une rare erreur que de rencontrer l'erreur, les horreurs de la vie et de... s'en taper. C'est une rare erreur que d'entendre les frais escomptés. Ils ne méritent pas la mort. Ils ne la méritent pas, tu le sais, toi. toujours la déplatérance. Toujours la déplatérance même, que la platitude même, que c'est vrai. Et là, le drame, le foot apparaît. Oui, le foot, le football. Toulouse est envahie par des footballeux. Je n'en peux plus, je suis assailli dans mon bunker. Je suis seul. Ils veulent ma peau pour dégarnir le poil, pour faire des drapeaux. Bleu, blanc, rouge avec. Bleu, blanc, rouge. Et c'est pas maintenant qu'on va se laisser faire, hein? J'aime pas le bleu, blanc, rouge. J'aime pas cette couleur. Cette couleur-là, elle m'identifie. Et j'aime l'anonymat. La nation me fait chier. La République m'encule comme elle est faite actuellement. Alors le système, je l'emmerde comme il m'emmerde profondément. C'est juste, non ? C'est pas comme si j'étais injuste envers quelqu'un ou quelque chose. Surtout pas quelque chose, je veux dire. Non ? Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tourne la manivelle en direction de la pente raide, raide. Parce que le foot me fait chier, putain, c'est grave, merde. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Le foot, merde. Le foot, merde. Mais surtout comme il est fait, il devrait être défait, ce foot-là, merde. C'est vrai ce que je dis. Ce sont les instants de douleur. Ce sont les pentes du bonheur. Ironie des mots et du cœur. Creusant la brume aux mille fleurs. Vois, mon azur, la mer se meurt. Dans l'œil du poisson, la lueur. Écueil, maladive du nid, maladive du nid, maladive du nid, maladive du nid, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, maladive, territoire que le mien, aux grandes gloires, aux grandes béatitudes et félicité que je suis heureux. Le bonheur c'est pour la vie. Et moi je suis déjà mort. Le savez-vous? Le savez-vous? Le savez-vous? Vous êtes déjà mort? Vous êtes déjà mort? Non, non, non, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous le savez, vous le savez. Vous le savez où? Vous le savez vous? Vous le savez vous? Vous le savez vous? Moi je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. C'est mort, laisse tomber, laisse béton, merde, merde, oui, la merde, la mort, oui. Oh, grande béatitude que le caca, oui, bien sûr que le caca c'est bon, mais non, personne ne le sait car personne ne l'a goûté, oui, bien sûr. La forme et le contact forment les choses, en lien, en lien. En lien avec la nature et le réel, le réel, la nature, le réel, le réel, le réel, la nature, le réel, le réel, le réel, le réel. En lien avec le réel, la nature humaine. Tu me dis bien de la bêtise, toi. As-tu réfléchi une seule seconde? Oui, j'ai réfléchi, mais non, je me suis trompé. Il ne devait pas être fait que je réfléchisse. J'aurais dû être honnête et sincère et rond et jovial, mais non, je suis turpitude, nauséabonde, mais quand même inabsconce. C'est là le drame. Maladie d'une sœur, ici, la lumière à son heure. Les textes sont de Jean-Marc. Les silhouettes ont des parfums d'amour. J'avais de ton regard des souvenirs troublés, comme au premier regard de mon soupir troublé, et le temps qui sépare ceux qui se sont aimés, et le pauvre vieillard et l'amour enterré, ô Marie du brouillard, ô Marie mon aimé, j'avais de ton regard des souvenirs troublés. L'image, un souffle, la naissance. Ne pas penser à voir ou penser illusoire ou penser la blessure, enfin ne jamais être sûr, ainsi que le poisson et l'aigle, libre l'œil, le vin et le seigle. C'est l'aîné. Étrange et la lune a quitté son plafond. Étrangère et des brumes, comme on disait dès lors, la gouverne du temps, c'est l'aîné des saisons. Apparaissant des dunes, le sourire de ton corps, et la main d'un enfant à droiture du profil, se voit comme un défunt et la hache meurtrie, déterminant en rythme le silence des îles, la fièvre des amants quand je soignais Marie. C'est clair, merde, putain, mais j'aurais dû écrire ça moi-même. C'est pas moi qui écris, c'est Jean-Marc. Et c'est lu par. Musique et mots aussi. Sans concertation avec Jean-Marc, évidemment. Étant un esthète, une esthétique en sociabilité. Je m'encule. Les bâtardiseurs, je soupire. Pourquoi la loi interdit-elle de parler de merde? Je me demande. Tout le temps, chaque soir, en me couchant dans mon caca. Où est la fiente? Où est le guano? Le guano. Et j'y réfléchis au guano. Et j'y pense. Je le pense, le guano. Et je le formule, le guano. Et je lui donne forme au guano. Et la chauve-souris apparaît. La chauve-souris. Mais elle. Elle ne sait pas. Elle, la chauve-souris. La chauve-souris ne sait pas où elle va, mais elle le sent. Elle sent sa destination. Elle l'a en travers de la gorge. Elle sait qu'elle y va droit, droit dans le mur. Mais elle tourne au dernier moment. Grâce au sonar, invention terribilisque. Enfin, genre quoi. Je veux dire le radar. Mais on s'en fout, c'est pas ça le but. Le but dans la vie, c'est pas d'avoir un radar à anticiper la merde. J'y crois pas une seule seconde. C'est moi qui veux m'enculer, c'est autre chose. C'est moi. Je me détruis la vie. Ma vie, mais je la vois pas. Ma vie, j'ai pas de mémoire dans ma tête, moi. Je suis pas un saint. J'ai pas de mémoire dans ma tête, mais. Je suis tout seul. Tout seul. Dans la merde. On va bien mourir un jour, les petits enfants. Et les papounets, les mamounettes. Tous et toutes. C'est pas censuré, ça, on peut le dire, on va mourir. C'est vrai, je vous jure. On va mourir. Non, pas ça. Ah non, toujours de la grande et belle musique dans ton émission. Tu peux passer autre chose, passe de la pop ou autre chose, je sais pas moi. Pourquoi de la grande et belle musique tout le temps avec toi? J'en ai marre, ferme ta gueule, moi. Pourquoi? Parce que je suis... Ah, moi aussi, je suis moi. Pouf. J'aimerais dédicacer ça à ma maman et à mon papa. Ah ouais, je vous aime tant. Autant que je vous aime, quoi. Mais tu peux pas dire ça, arrête, tais-toi. Ne dis rien. Mais non, je suis pas d'accord, moi. Je le dis. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Merde, pardon. Is dead today. I know it's gone. It's on the feather plucked insanity of the membrane, I know. The feather plucked insanity of the membrane, I know, is gone. Every time, every single time I hear this word. It's a word, you know. Wah. It's a word, yeah. Insanity plucked in the membrane is a word, and you've got to know it. What it means, you know. You've got to know that it's got to be in the dictionary. The insanity plucked on the membrane. It's not any word. I mean, it's not just like any word, you know? You know what I mean? La gloutonnerie, donc, toujours gloutonesque, en débat. Devrait-on s'adonner à l'appétit, l'appétence, toujours une grande discussion à droite, l'équipe bleue, à gauche l'équipe blanche, avec les arbitres au milieu rouge, bleu, blanc, rouge. Quelle beauté, quelle gloire, quelle grâce, le foot, comme on aime ça. On aime le foot ici. On aime le football, le ball, du foot, surtout les boules du foot, les balles, pardon. Mais ça dégénère, il n'est pas encore 22h, calme-toi. Oui, je me calme. Je vais me calmer un peu. Calmer, pardon. Oh là là, mais non, dis pas des choses pareilles. Ah, ça bug, ça y est. J'ai trop demandé à l'affaire. Bah, on va devoir supporter quelques 5 minutes de merde. Entre autres, la grande et belle musique revient dans une seconde. Ah, la grande et belle musique. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Pour vous ce soir, peut-être un concert de silence. Mais peut-être pas. Concert de grillon métamorphosé en cymbales grisonnantes, tout accompagné d'un tome si bas, si là. La lassitude même exprimée dans un débat. Un débat fou de la vie humaine à Toulouse. Le football, c'est beau. C'est beau comme une boîte. Une boîte fermée avec plein de gens dedans. Qui se trémoussent les uns contre les autres avec de la pousse partout. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? On peut se le demander dans leur tête. On peut se le demander dans leur tête. Peut-être. Parce que personnellement, je mens pas le steak de ce qu'ils peuvent penser ces gens-là. Je n'en ai rien à foutre. La liberté, c'est aussi de ne pas penser. La liberté, c'est de ne pas penser au con. t'entends dépasser, le temps d'arrêter ta parissitude, parissitude, parissitude, parissitude, ta beauté, ton œuvre et son jalé. Nous errons des zéros pointés, au la main des pitiés, la règle du sens de tout. Thank you. Alors ça, c'est assez... Pardon. Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Il est 22h10, nous sommes le vendredi. Comme tous les vendredis, entre 21h et 23h, il y a Nuisance donc. Enfin, tous les vendredis, ça dépend si je suis motivé ou pas, j'avoue, ou si je suis disponible. Mais la plupart du temps, vous aurez droit à un déblatirie de foutaise habituelle le vendredi de 21h à 23h, donc je vous le disais, dans l'émission Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net au 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, France. Vive le foot, vive la France, vive la merde, vive le cul, vive la chiotte, surtout chier sur le foot, vive ça. Il est 22h13, le vendredi 10 juin 2016, le 10 juin 2016, vous êtes les malvenus toujours. déblatérant s'inobscure sur une antenne tout aussi non inobscure que la nôtre celle de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net à Toulouse en France, c'est le 92.2 FM MHz. Nuisance, émission qui nuisance, émission de toutes les nuisances le vendredi, je crois le 10 juin 2016, il est 2h46, 7 minutes. Il nous reste à peu près un quart d'heure à distribuer des fly sur la Terre avec des ondes polluantes. J'espère, je le souhaite vraiment, je me le souhaite, qu'elles nous polluent la tête, ces ondes, car la grande et belle musique ici, on l'encule. We'll be right back. de maintenant à pas jamais. Oui, c'est bien formulé, certes, je ne sais qu'écrire, zut, voilà, passons à autre chose, quelque chose de velléitaire. Quelque chose de parti, something gone. Let's and let's not. There is somewhere downward where everything seems the same, but it's not. So how do you go where only you might be? Comment aller là où tu ne fais que pouvoir être? T'as qu'une pute à cam, cul et vie, épuiser, détruire, étiqueter, blâmer, sont tout ce que tu sais. Ferme pas ton fort, car l'hostilité de l'attitude entraîne encore et encore. Tu ne sais te taire. Je ne m'inspire pas, tu m'expires, vengeance, trouble, où est ma place? Writings do not mean much, much too much is what is. Just by being it is already overdone. I cannot do not. I lie myself. So here it is. I'm alive, it sucks, life is not a dream. Lying is a nightmare, is the truth. I may go on but stop, what does it mean? Am I right? No answer suffices no more, and the overwhelming questioning distracts. Shit, here's to me. J'apprends la mort. 15-10-2015, jeudi 16h. J'apprends la mort de Gilles Ducrot. Depuis deux jours presque, il est parti mort. Nos ancêtres voués, certains et certaines d'entre eux, et elles, un culte à leurs morts et mortes. Je me fais, je vis, je vais mourir en attendant, patientant, faisant autre chose que la mort, je vis. Je viens de me droguer pendant deux heures pour oublier ma mort, ma faiblesse face à cet état des conditions, humanité, potentiel de conscience, intellect. Qu'a l'univers à foutre là-dedans? Ben justement tout. J'ai rencontré Gilou il y a presque 20 ans, comme maintes et maintes d'autres. Sous mes yeux lubriques, désirs, mes erreurs sont. Les qualités intrinsèques à l'être sont miennes. Suis-je désolé, pas vraiment, ni neutre? La mort, c'est la mort, la vie, c'est la vie. Leurs différences se mélangent en mon âme. Merci Gilou. Salut. Repassent encore en direction de la nuit. La nuit est elle-même un obscur transitoire. La lumière qui traverse la nuit est elle-même un proton ou un photon ou un neutron ou un azuron de potentiel. Le bonheur et le malheur s'entremêlent dans un mélange, dans deux mélanges, dans trois mélanges qui se mélangent eux-mêmes entre eux. Plein de mélanges. Le mélange. Mélange, le mélange, et se continue encore dans la discontinuité, la passionnance déblatérante, la mort prévue à cet effet. Élimination, technique maîtresse. Élimination de quoi? L'intelligence n'a pas de non-réaction en ce sujet, même que cet objet même de vocation. Dedication, maybe. Dévouement, peut-être. Ou peut-être pas, maybe not. You're on Canal Sud. Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM. 92.2 on your FM dial. It's about 11 o'clock. Nuisances is about to shut its doors. Fermer les portes de nuisance. Et pourquoi? Ah, je vous entends dire merde, non. Pourquoi? Ah, continue. On t'aime pas, continue, c'est bien, c'est de la merde, c'est super de la merde, c'est à chier, ouais, continue, c'est bon. Non, on t'aime pas, tu te détestes, et on te déteste aussi, et on te crache dessus comme toi t'as envie de te tailler les veines, et de te chier dans la bouche en tordant ton dos dans tous les sens. Donc tu fais de la gymnastique le matin devant la télé en regardant Dorothée parce que t'as récupéré les émissions de Dorothée où elle faisait de la gymnastique à TF1 ou France 2. Et merde, la pomme, where is the FM dial? I have to shut this thing off, I have to shut everything off with my FM dial power. Le pouvoir d'être, to be or not to be, ou ne pas être, peut-être le pouvoir. Je ne sais que choisir. Je me fous de votre gueule. Je vous vois même pas. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe sur Terre à ce moment précis. Ça se trouve, tout le monde est mort. Baisé par une bombe à neutrons. Vous êtes, comme moi, dans un sacré merdier. Bienvenue sur Terre, petit enfant. Oh oui, c'est de la merde, hein, oui. C'est vraiment difficile, la vie, n'est-ce pas, petit? Ah, grands et enfants, et pas enfants d'ailleurs. C'est dur, hein? Ah, on en chie, je sais, ouais. Ça va être long et pénible. C'est ce qu'on se dit, des fois. Bon, bah, comme nuisance, en fait, 22h, enfin, je veux dire, 21h, 23h, tous les vendredis, quand je suis assez motivé pour la faire, étant complètement déformé par une distorsion spatio-temporelle en ce moment, la systémique... la systématisation d'une pensée hic, je veux dire en ad hoc de ça, donc a fortiori factuelle évidence, c'est que la grande et belle musique pour nuisance, c'est de la merde, vous avez bien compris. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de la merde, justement, la merde music is good. Oh yeah, it's very good. Merde music. En tendance brutiste. Noise tendencies. Far to go. Away. Away. Il est à peu près pas encore 23h. Je patiente. Ah oui, je sens que vous sentez que je sens la patience en moi. Bon, prudence quand même. Un auditeur révolté pourrait se présenter à la porte et me foutre une beigne, donc je vais éviter de vous insulter ce soir, comme tous les autres soirs, car je respecte les gens que je ne connais pas. Je ne connais pas mes auditeurs, heureusement, des fois, je me dis qu'ils doivent être sacrément barrés, tout comme moi d'ailleurs, je vous l'avoue. Il est presque encore 23h. Ah, un décompte dans Nuisance, le premier match de foot, blablabla, on encule le foot, moins une, et ça y est, 23h sur l'horloge Canal Sudienne. Nuisance, et ben vous savez quoi, c'est fini, nuisance c'est fini, ouais, nuisance c'est fini, nuisance, ouais, le foot aussi, merde, pas encore, non, oh, laisse tomber, pense pas à ça mec, tu vas déprimer, tu dois sortir après dans, voir le monde, que vive le monde et trépasse l'azur. Yeah, it's...